Printemps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Lionel Béra, un Lorrain, pour son roman Les Arcanes du Temps. Bonjour Monsieur Béra. Bonjour Mona. Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ? Alors, je suis professeur à Georges de la Tour, j'enseigne le droit. J'ai 42 ans, je suis papa de deux petites filles et j'écris depuis 4 ans, 5 ans. 4-5 ans, ah d'accord. Vous aviez déjà une vie bien remplie, alors pourquoi écrire ? C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis que je suis collégien. À l'époque, quand on devait faire des dissertations, lors desquelles on devait terminer des histoires que l'enseignant nous donnait, je rendais facilement 4-5 copies doubles, alors que mes copains remplissaient difficilement une demi-page. Ah oui. Donc je me suis dit qu'un jour j'écrirais un roman. Et donc c'est fait. C'est fait. Et comment vous écrivez ? Vous avez déjà le roman en tête ou vous construisez l'histoire au fur et à mesure ? Alors j'ai une vague idée de l'histoire, de la fin notamment, mais en fin de compte, l'histoire s'écrit au fur et à mesure de l'écriture. Il y a même des fois, je me demande comment vont s'en sortir les personnages suite aux situations dans lesquelles je les ai mises, et c'est en écrivant que je découvre la solution moi-même. Donc des fois, j'écris pour savoir comment ça va se finir. Voilà. Oui, c'est une forme de construction marrante, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas le plan bien défini, non. Et vous avez besoin d'une large... Vous écrivez n'importe où, n'importe quand, ou vous êtes obligé d'avoir une marge de temps importante avant de... Oui, mieux vaut une marge de temps quand même suffisamment importante pour écrire. Ça sert à rien de se mettre devant le clavier pour un quart d'heure. D'accord. Faut au moins une heure, on va dire. Et vous ne travaillez pas avec un petit carnet où vous notez Absolument pas, non. Pas du tout. Non, non. Les idées viennent au moment où j'écris. Et quels sont les écrivains qui vous ont fait ou qui vous font rêver ? Oh ben j'ai lu plutôt des auteurs très très connus, genre Stephen King ou voilà. Avant, je lisais des Agatha Christie aussi. Donc c'est un peu entre les deux, même si c'est comme ça, ça ne semble pas avoir beaucoup de rapport. Voilà, j'aime bien aussi Da Vinci Code, donc Dan Brown. Oui, bien voilà. Sûr. Moi, j'ai trouvé que votre roman ressemblait un peu... C'était un Da Vinci Code. Oh bah, c'est un compliment. effectivement, dans ma bouche, c'était vraiment un compliment. Bon, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une première pause musicale qui va vous mettre dans l'ambiance du roman, bien sûr. Vous avez choisi la bande originale de Retour vers le futur. C'était... Oui, lors de la première critique qui est parue dans la revue L'écran fantastique, donc sur mon roman, le chroniqueur a fait un parallèle avec Retour vers le futur. Donc, il a dit que mon roman n'avait rien à envier à Retour vers le futur. Voilà. D'accord. h 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Alors nous sommes toujours avec Monsieur Béra. Pouvez-vous nous résumer votre livre ? Alors les Arcanes du Temps, c'est l'histoire de jeunes gens qui vont surprendre un complot destiné à envoyer dans le passé des tueurs à gages pour éliminer Jeanne d'Arc afin que l'Angleterre puisse gagner la guerre de 100 ans puis dominer l'Europe. Et il y en a un qui va se faire surprendre et pour éviter de se faire tuer, il va s'enfuir lui-même en utilisant la technologie de voyage dans le temps. Et là, il va se retrouver coincé tout seul au Moyen-Âge, donc il va déjà essayer de survivre. Il n'a aucun moyen de retourner vers le futur. Et comme il n'a plus grand-chose à espérer, il va essayer de trouver Jeanne d'Arc pour la prévenir que des tueurs vont être envoyés dans peu de temps. Et en la découvrant, il va se rendre compte qu'en fait, elle est déjà manipulée par des gens de notre époque qui lui font entendre des voix pour qu'au contraire, elle agisse conformément à ce que notre histoire nous enseigne. D'accord, c'est vraiment passionnant. Mais dans ce roman, vous jouez avec les allers-retours, présent, passé, futur. Ça doit être difficile de ne pas se perdre et de rester cohérent, en fait. Oui, mais c'est ça qui me plaît. J'aime toujours les scénarios un petit peu complexes ou avec. Puis le voyage dans le temps permet aussi beaucoup de retournements de situation, de rebondissements. Donc c'est ça qui me plaît. D'accord. Et vous fragmentez votre roman en séquences brèves qui se terminent immanquablement par du suspense. Vous êtes machiavélique, vous forcez le lecteur à avancer en fait. Hein. Oui, alors ça c'est... on le retrouve dans mes romans aussi qui ont suivi. C'est toujours comme ça que j'écris des chapitres très courts, avec un cliffhanger si possible à la fin de chaque chapitre, et si possible un changement de personnage ou de point de vue de manière à ce qu'on ait la réponse du cliffhanger qu'un peu plus tard. Le cliffhanger c'est le suspense. Oui voilà, c'est les fins de suspense, c'est les fins de chapitres ou les fins d'épisodes pour les séries qui se terminent sur un coup de théâtre à suspense. Oui, d'accord. Et vous avez dû beaucoup vous amuser en écrivant cette histoire, bien sûr. Hein. Oui, je fais beaucoup de recherches parce que le but, c'était de rester le plus collé à la réalité historique. Oui. C'était pas du tout d'écrire un roman de fantasy, ça reste un roman historique. Et d'ailleurs, j'étais invité, par exemple, au salon du livre d'histoire de Wapi, par exemple. Mm-hmm. Donc ça reste un roman historique, il y a juste un élément de science-fiction pour expliquer les points sur lesquels les historiens n'ont pas trop d'explications concernant Jeanne d'Arc. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a toujours un mystère Jeanne d'Arc aujourd'hui, vous avez le mérite de rendre crédible cette période de l'histoire de France. Alors vous aviez besoin d'expliquer, vous, rationnellement, parce que ce mystère vous... Oui, alors c'est pas une explication rationnelle puisqu'il y a un élément de science-fiction. Mais à la limite, si on admet l'existence d'un voyage dans le temps, on peut se dire que mon histoire est plausible. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est m'amuser à rendre la science-fiction crédible, à expliquer un moment de notre histoire qui reste assez mystérieux, bien qu'il ne soit pas très ancien. Hein. Ça n'a que 600 ans et c'est aussi mystérieux que des personnages qui ont eu lieu il y a 2000 ou 3000 ans. Quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que c'est l'histoire Jeanne d'Arc, ça reste toujours un peu... C'est vrai que c'est un mystère encore qui subsiste aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des choses un petit peu surprenantes. Cette petite bergère qui arrive à rencontrer le dauphin, c'est un peu incroyable. Et vous décrivez un Moyen-Âge très, très barbare, en fait. Hein. C'est très, très éloigné de l'image véhiculée par les enluminures. Vous avez donc dû faire pas mal de recherches. Oui, j'ai fait pas mal de recherches. Donc, par exemple, je décris effectivement des scènes assez dures, comme la des villages aux alentours de Domrémy, Briey. Ce sont des faits qui ont véritablement eu lieu. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment très, très violent. Et oui, bah, je pense pas qu'au Moyen-Âge, lors des scènes de pillage ou de carnage, il faisait attention à ne pas être trop violent. Oui. Alors pour les nostalgiques du passé, ça donne pas du tout envie d'y retourner. En fait. Non, ça donne pas envie de tourner au Moyen-Âge, non. Même s'il y a des gens sympathiques dans mon roman au Moyen-Âge, des gens qui vont aider le héros, ce genre de choses. Oui, oui, oui, ça n'empêche pas. Avec de grandes valeurs humaines. Ça n'empêche pas, oui, les qualités humaines, ça c'est clair. Vos héros sont très très jeunes en fait, mais ils font preuve d'une maturité et d'un courage incroyable. Vous voyez, vos élèves ont à peu près cet âge-là en oui, fait. Oui, les miens sont encore plus vieux puisque j'enseigne en post-bac. Donc, oui. Alors, donc vous les voyez comme ça, non. Les jeunes, courageux et matures à ce point-là? Non, ça aidait aussi à avoir une proximité d'âge avec Jeanne d'Arc, de leur donner 17-18 ans. Voilà, Jeanne d'Arc à cette époque avait environ l'âge-là et ça leur permettait de créer des liens comme il y en a dans l'histoire avec Jeanne d'Arc assez proche, de manière à ce qu'ils puissent aussi comprendre ce qu'elle pouvait vivre à cet âge-là. Parce qu'elle aussi faisait preuve d'une grande maturité pour qu'à 16 ans elle puisse être capable de faire tout ce qu'elle a fait. Donc ça permet à mes personnages de s'identifier, d'avoir des liens assez proches avec elle, parce que lui ressembler quelque part. Parce qu'au Moyen-Âge, effectivement, les adultes étaient plus vite adultes, en fait. Aussi, hein, oui, c'est vrai. Que maintenant. Hein. C'est vrai. On vous a pas reproché un peu cette... Si, j'ai eu quelques remarques sur l'âge, en me disant que ça aurait été bien que les héros soient un peu plus âgés. D'accord. Mais comme c'était mon premier roman, j'ai cru, on va dire, par ignorance peut-être, qu'il était plus simple d'écrire du young adult, c'est-à-dire donc pour des lycéens ou des jeunes adultes. Et en fin de compte, pas du tout, puisque depuis j'écris plutôt des thrillers pour adultes, parce qu'en fin de compte, c'est presque plus simple d'écrire pour adultes. Et alors comme c'était mon premier, ouais, j'ai fait cette erreur de croire ça, et j'ai voulu adapter l'âge de mes personnages au public visé au départ. Ah oui. Mais bon, effectivement, ça peut passionner lecteur, en fait. Hein, c'était nominé au prix lycéen des Imaginales, par exemple, il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Mais par contre, ça passionne aussi les adultes. J'ai des gens qui ont 60 ans pour qui c'est leur roman préféré. Oui, oui. Mais en plus, il se lit très, très bien. En fait, moi, j'ai mis 2 jours pour le lire parce que j'avais les yeux qui tombaient le soir. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est très passionnant et c'est entraînant, en fait, hein, comme livre. Et donc là, dans votre livre, vous avez réalisé un des fantasmes de l'homme, voyager dans le temps. C'est aussi un de vos fantasmes. Oui, mais on serait plutôt dans le futur, moi. Je me demande jusqu'où l'homme peut aller dans ses découvertes ou dans ses inventions, donc ça serait plutôt ça qui m'intéresserait. Plutôt ça? Ouais, plutôt que le passé, oui. Ah bon, pourtant, là, on ne croirait pas à vous lire, on ne croirait pas. Pourtant, je pense que c'est intéressant, ça doit être amusant, effectivement, de réécrire l'histoire. Oui, mais justement, j'ai utilisé Jeanne d'Arc, comme on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup de points mystérieux à élucider ou à comprendre concernant son épopée. Et voilà, les choses qui sont connues, à la limite, m'intéressent presque moins que les mystères qu'il peut y avoir. Or, dans le futur, je pense qu'il y a plus de mystères que dans le passé, par définition. Et donc, comme c'était un premier roman, on dit toujours qu'on met un peu de soi. Quel est votre personnage préféré? Et c'est celui qui vous ressemblerait le plus? Ah, je sais pas, je pense que j'en ai mis un petit peu dans la plupart des personnages, et j'ai surtout essayé de ne pas mettre trop de moi, en fait, parce que c'est pas le but. Voilà, je voulais vraiment créer des personnages. Alors après, oui, dans Kellehan, donc le héros, il y a sûrement un peu de moi, surtout au début, voilà, mais bon, c'est vraiment pas le but. J'ai essayé au contraire de me détacher de ça. Et vous lui avez donné un prénom à peu prédestiné, parce que Kellehan, ça fait... Oui, ça a des sonorités comme modernes, parce que on va dire Kylian, par exemple, est un prénom assez oui. moderne actuellement, donc voilà, les sonorités sont assez proches. Les sonorités, voilà. Et donc, Les Arcanes du Temps est donc votre premier roman, et vous en avez depuis écrit un autre, au moins, L'Auréole des Condamnés. Alors, L'Auréole des Condamnés, oui, qui là est un thriller qui se passe à la faculté de droit de Nancy. Donc ça se passe ici, et j'enseigne le droit, même si je n'enseigne pas à la faculté de droit. Là, c'est vraiment plus un roman pour adultes. Alors c'est toujours basé sur des chapitres très très courts, de 3-4 pages, avec des rebondissements à chaque fois, et ça va aussi très très vite. Mais c'est quand même plus sombre que Les Arcanes du Temps. J'avoue ne pas avoir pris encore le temps de le lire, mais bon, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, ces deux romans ont été primés, apparemment. Alors, donc j'ai parlé tout à l'heure que L'Auréole des Condamnés, que Les Arcanes du Temps, pardon, avait été nominé aux Imaginales. Il a eu aussi un prix au Salon de Lunéville. Alors que L'Auréole des Condamnés, lui, a eu le prix au Salon de Boulay, près de Metz. Donc les deux ont eu des prix littéraires, oui. D'accord. Et vos élèves ont lu vos livres? Certains, oui. Certains sont des fans pas tous, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ne lisent pas de romans du tout. Mais oui, certains en ont lu. Ou certains aussi en ont acheté là pour Noël dernier, pour leurs parents, par exemple, à offrir. D'accord, vous avez eu des retours favorables? Oui, j'ai même des anciens élèves qui sont devenus des fans en tant que lecteurs maintenant. Oui. Et donc, ils doivent pas vous regarder du même œil maintenant, quand vous faites cours. Oui, surtout le second, là, comme il est plus tendre et comme ça met en rôle un professeur de droit à Nancy, forcément, là, il m'identifie facilement à ce personnage qui n'est pas pourtant un personnage très, très fréquentable, on va dire. Et donc, ça doit être très, très difficile, en fait, d'écrire un livre, j'imagine. Ah, la principale condition, c'est de prendre du plaisir. Quand on y prend du plaisir, c'est pas difficile. Mais surtout, faut pas se forcer. Si pendant 3 mois ou plus, j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas. Faut vraiment avoir l'envie. Et quand on a l'envie, c'est pas difficile. Oui, faut juste être rigoureux dans le scénario, justement, pour s'y retrouver lorsqu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Plusieurs personnages qui se croisent, voilà. Bah oui. C'est ça qui est difficile, mais quand on y prend du plaisir, c'est pas une contrainte, donc c'est facile. Oh, si vous le dites, moi je veux bien vous croire, mais bon, ça me paraît toujours un peu compliqué. Autant j'aime beaucoup lire, effectivement, mais je me vois pas écrire, en fait. Alors bizarrement, je lis très peu. Ah bon? Ouais, je lis quoi, 3 romans par an à peine. Donc je préfère écrire que lire. Ouais. Ah. Étrangement, oui. Je préfère créer mes propres histoires plutôt que lire celles des autres. Oui, bien sûr. Oui. Mais du coup, c'est étonnant, je sais. Du coup, vous n'êtes pas influencé? Non, je suis assez peu influencé par d'autres auteurs. Non. Ouais. J'essaye de vraiment puiser tout dans mon imagination. Bon. Et vous pouvez nous résumer un peu votre second livre? Alors, ça se passe donc ici à notre époque, à Nancy. Ce sont des étudiantes de la fac de droit qui disparaissent. Et on retrouve leur cadavre un peu plus tard, quelques jours plus tard, en forêt de haie. Et lorsque la troisième disparaît, elle est retrouvée à temps, donc séquestrée par son prof de droit pénal. Et donc celui-ci, évidemment, est arrêté. Et pour sa défense, il va prétendre que s'il l'a retenue prisonnière, c'était pour lui sauver la vie, car il était persuadé qu'elle serait la prochaine victime. Alors tout ça parce qu'il prétend avoir une sorte de don qui lui permet de décerner un halo autour du visage des gens quelques jours avant qu'il meure. Alors bien entendu, la police ne le croit pas, donc le garde en prison. Et bien entendu, les morts continuent et ses prédictions s'annoncent exactes alors qu'il n'a aucun moyen de communiquer vers l'extérieur. Donc tout le roman, c'est de savoir comment il fait, est-ce qu'il a des complices, est-ce que c'est vrai son don, est-ce que l'assassin c'est bien lui ou si c'est d'autres personnes, voilà. Et donc il y a plusieurs autres suspects, notamment un jeune, on va dire un peu asocial, un peu un bad boy qui étudie à la fac de droit, un surdoué aussi qui a l'air de manipuler tout le monde. Et puis la victime, donc celle qui a été découverte aussi, qui semble un peu louche et qui a eu des comportements un peu bizarres que la police ne comprend pas. Voilà. D'accord. Et vous y croyez un peu à ces... Ah ben je vais pas dévoiler fin de mon roman. J'y crois moi personnellement oui. Non, je suis assez rationnel, donc je crois pas qu'on peut comme ça deviner à l'avance le décès d'une personne. Heureusement. C'est heureux, oui, ça serait. Parce que ça peut être très très dangereux en fait. Hein. Ça peut être très dangereux. Bon, nous allons faire une seconde pause musicale. Alors vous avez choisi d'écouter Le Livre du Temps de Michel Sardou. D'abord un point, sorti de rien, un vide infiniment clos, un premier signe, puis une ligne de terre mélangée à l'eau. L'histoire commence, sort du silence, le rêve a inventé les mots, mots de lumière. Mots de matière, des mots en forme d'animaux. Tout contient entre les mains le commencement et la fin, le passé, le futur. Dépend du sens de la lecture. C'est écrit dans le livre du temps. On ne pourra jamais tout lire, et pourtant, nous sommes les acteurs de ce grand roman dont on ne connaît pas l'auteur, le livre du temps, le livre du temps. À chaque page, des personnages écrits d'amour et de sang. Passer ses faces et se remplace du premier rôle au figurant. Personne ne peut changer sa phrase, sauter une ligne, un paragraphe, le passé. On garde les fautes et les ratures. C'est écrit dans le livre du temps. On ne pourra jamais tout lire, et pourtant, nous sommes les acteurs de ce grand roman dont on ne connaît pas l'auteur, le livre du temps, le livre du temps, le livre du temps. Jusqu'à 18h30, vous m'en lirez tant avec Mona. Alors, Monsieur Béra, quelle est votre actualité ? Alors cette année, j'ai juste une nouvelle qui est parue dans une anthologie sur les loups-garous, avec six autres auteurs. Voilà, on a chacun écrit une nouvelle, ça forme donc une anthologie qui est parue aux éditions Lune Écarlate. Donc six histoires très très différentes sur les loups-garous. Voilà. Sinon, je viens de finir une commande d'un éditeur, Le Héron d'Argent, concernant une encyclopédie sur les créatures non vivantes. Alors là, ça sera un livre illustré, donc bien sûr, moi je ne me suis pas du tout occupé des illustrations. Mais tout simplement, le mari de l'éditrice avait lu mon roman, Les Arcanes du Temps, et avait vraiment beaucoup aimé. Et quand ils ont cherché quelqu'un pour faire les articles, ils ont pensé à moi dans le sens où ils m'avaient déjà lu. Et puis, comme ils ont vu que j'étais professeur de droit, donc en post-bac, ils ont pensé que les recherches ne me feraient pas peur. Et comme ça, je pouvais allier à la fois mes compétences en termes de rigueur, on va dire, de recherche, et mes talents d'écrivain, si je puis dire. Et donc, voilà, donc ils m'ont donné les 50 créatures. Donc, ce sont des types de zombies, de fantômes ou de vampires. Et voilà, je dois faire des recherches dessus et faire un article. Et ensuite, il y a un illustrateur qui travaille actuellement dessus, qui fera les dessins correspondants. D'accord. Et puis, j'ai un roman en cours de finition. Qui paraîtra comme les deux premiers romans chez Rebelle Édition. À Montluçon, c'est ça? C'est à Montluçon, oui. C'est une maison d'édition à Montluçon, mais qui a une portée nationale, et pour lesquelles il y a déjà des auteurs qui ont bien porcé, comme Sophie Jomain, par exemple. Voilà, et donc mon nouveau roman, ça s'appellera Ubiquity. C'est un avocat new-yorkais qui est soudain menacé, qui reçoit des lettres de menace, et puis ses proches autour de lui commencent à se faire agresser. Et il sera le principal suspect. Les preuves en plus l'accablent tant qu'à force, il va se demander lui-même si c'est pas lui le coupable. C'est pour ça que ça s'appelle Ubiquity, parce qu'il se demande s'il aurait pas une double personnalité qui lui ferait commettre des meurtres. Donc c'est un thriller psychologique avant tout, plus que le précédent. Plus que le précédent. Oui, plus que L'Auréole des Codes d'Année, qui est un thriller mais à énigmes, mais moins psychologique. D'accord. Et donc, vous allez aussi, j'ai vu, vous alliez participer au festival du film à Gérardmer. Oui, alors c'est le dernier week-end de janvier. J'y suis le vendredi, le samedi, dimanche, donc je suis en dédicace, oui, dans le cadre du festival du film fantastique. Alors même si c'est un festival qui met avant tout le cinéma en premier plan, il y a aussi quand même des auteurs qui sont invités pour dédicacer dans une salle qui s'appelle Le Grimoire. Voilà, donc on sera là les trois jours. Oui, ça doit être passionnant, ça doit être différent des autres salons du livre, je ne sais pas si vous les fréquentez. Oui, bien sûr, je fais des salons du livre, on va dire, locaux. Bien sûr, le livre sur la place, par exemple, j'étais présent les trois dernières années, ou d'autres salons dans les environs, et puis des salons des fois un peu plus éloignés. Et celui-ci, oui, il a une ambiance particulière, surtout comme l'année dernière, on a eu parmi une tempête de neige, c'était vraiment une ambiance très très très particulière, le festival du film de Gérardmer. Et puis on a accès à tous les films, donc on profite aussi de l'ambiance cinéma. Voilà, puis on est invité avec plutôt des gens qui travaillent dans le monde du cinéma, donc ça permet de rencontrer des gens un peu différents. Un peu différents, c'est sûr. Et vous imaginez un jour que vos livres seront dans des films? Alors les lecteurs me disent souvent qu'ils imagineraient bien mes romans en film. Oui. Bien sûr, j'aimerais bien, mais bon, il faudrait trouver, il faut qu'un réalisateur ou qu'un producteur se penche dessus. Oui, bien sûr. Mais bon, effectivement, moi je le vois bien. c'est vrai. Et donc, vos livres, donc, on peut les trouver aux éditions Rebelles, mais on peut les trouver où aussi, en magasin? Parce que c'est pas si évident que ça. Malheureusement, les éditions Rebelles ont un peu de difficulté à se placer dans les librairies. Et bien qu'étant un ancien, c'est aussi difficile de se placer dans les librairies de Nancy, mais on peut les trouver, alors on peut les commander dans toutes les librairies, par contre tous les libraires peuvent les commander, ça y a pas de souci, ils sont référencés, et puis sinon on les trouve bien sûr surtout les sites de vente sur internet. Voilà, que ce soit Fnac.com, Chapitre, faut pas dire de marque peut-être. Voilà. Si, bien sûr, donc c'est pas, on est là aussi pour aider les auditeurs à trouver le livre. Donc voilà, parce que... il suffit de taper mon nom et un des titres pour le trouver sans souci. Oui, et on peut vous suivre aussi sur votre blog, c'est ça? Alors j'ai un blog, oui, donc là c'est pareil, il suffit de taper mon nom, donc c'est Lionel Behra, B-E-H-R-A, dans Google, et le premier lien de toute manière sera mon blog, et je peux aussi me trouver sur Facebook. Pour me suivre, faut pas hésiter à... me demander comme ami même pour me suivre ensuite. D'accord. Et pour pour en revenir à Jeanne d'Arc, vous êtes Lorrain, donc vous avez une bonne connaissance, je suppose. Vous avez dû aller à Dormy, bien sûr. Oui, j'étais à Dormy. Et j'ai aussi travaillé sur des plans de l'époque. Parce que la position, par exemple, je crois que c'est l'entrée de l'église, par exemple, n'était pas exactement le même endroit ou ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai travaillé sur aussi des plans de l'époque que j'ai trouvé sur Internet. Il y a des sites très bien faits sur Jeanne d'Arc, très très documentés. Et vous avez eu aussi... Vous avez évité la piste de Jeanne d'Armoire, parce qu'on dit des fois qu'effectivement Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée à Rouen et qu'elle aurait survécu et qu'elle aurait eu des enfants. Alors le nombre de théories qu'on peut trouver sur Jeanne d'Arc, tout aussi contradictoires les unes que les autres. Alors j'ai pas voulu, on va dire, polémiquer en faisant ma théorie, puisque moi ma théorie est basée sur de la science-fiction, donc elle n'a aucune prétention historique. Voilà. Mais donc j'ai gardé, on va dire, les éléments qui était le plus communément quand même répandu. Voilà, j'ai pas voulu prendre des éléments qui sont à la base de théories que certains appuient, que certains défendent. Voilà, donc j'ai voulu garder, on va dire, l'histoire la plus consensuelle, exactement, de Jeanne d'Arc, mais sans tomber dans les clichés. Par exemple, tout le monde est d'accord pour savoir que Jeanne d'Arc, par exemple, n'était pas bergère. Oui, bien sûr. Voilà, donc je ne suis pas rentré dans ces clichés. Là, j'ai vraiment gardé les points sur lesquels les historiens sont effectivement assez consensuels entre eux, le plus possible. Et je n'ai pas, j'évoque dans mon roman les différentes théories qui ont été élaborées. J'en parle, mais c'est pas l'histoire que je retiens. C'est pas l'histoire, d'accord. Bon, pour je suis allée, voilà. Moi, visiter le château de Zolny, vous savez, près de Thiaucourt, là, dans, justement, oui. qui relate cette histoire de Jeanne d'Armoise. C'est plutôt drôle. Et bon, je suis un petit peu partagée. Je n'arrive pas trop à me faire une idée bien précise. Bah, si même les historiens entre eux n'arrivent pas à tomber d'accord, je pense que voilà, il est difficile pour nous qui ne faisons pas des recherches historiques très très très poussées d'avoir un avis très tranché. Je pense que de toute manière le mystère demeure et c'est ça peut-être qui fait perdurer le fantasme de Jeanne d'Arc. Voilà. Oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre livre, parce que bon, une fois qu'on a admis qu'on pouvait voyager dans le temps, je trouvais que c'était, c'était très très plausible en fait. Oui, c'est ça, j'ai gardé, par exemple, ses amis, ce sont des amis qui ont véritablement existé, les membres de sa famille également, les lieux où elle était à telle époque, elle y était dans mon roman tel jour également, les personnes qu'elle a rencontrées sont des personnes qu'elle a rencontrées réellement, sauf les personnages que moi j'ajoute. Voilà, qui proviennent dans mon roman, mais la plupart des personnages ont réellement existé. Surtout ceux qui viennent du Moyen-Âge. Oui, hormis peut-être les deux bohémiens qui aident Kellehan, le héros, à trouver Jeanne d'Arc, les autres personnages du Moyen-Âge sont des personnages qui ont réellement existé. D'accord. Alors, moi j'avais une citation à vous donner d'Arlène Cobin qui a écrit un commentaire sur un livre. C'est un livre envoûtant, idéal pour les passionnés d'histoire, les amateurs de conspiration, les mordus du mystère, pour tous ceux qui aiment les grands récits que l'on ne parvient pas à lâcher. J'ai adoré ce roman. C'était pour le Da Vinci Code. Mais je trouve qu'il pourrait tout à fait s'appliquer à votre livre. Oui, c'est vrai, parce que ça lie à la fois donc, les mystères, on a de la science-fiction, le côté historique, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi, surtout dans la deuxième moitié du livre, toute une histoire de conspiration, d'espionnage, même de thriller, peut-être un peu sur la fin. Oui. Voilà, donc tous ces thèmes sont mélangés dans le but, tout simplement, de donner du plaisir au lecteur, de faire plus de rebondissements, de prendre le lecteur à contre-pied, et de l'emmener là où il s'y attend pas. Avec, bien sûr, un dénouement le plus étonnant possible. Oui, voilà. Et je trouve que c'est une vraie fin, en fait. On reste pas un petit peu dubitatif en se demandant... Là, c'est une vraie fin. Oui. Et c'est vrai que c'est assez rare maintenant, hein. Alors, effectivement, c'est un one-shot parce que j'avais pas prévu d'écrire de suite. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de suite prévue. Voilà, il y a une vraie fin, ça se lit en une fois. Et par contre, la fin, c'était pas du tout celle à laquelle j'avais pensé. C'est pareil quand j'ai commencé à écrire. C'est une fin à laquelle j'ai pensé en cours d'écriture. D'accord. Voilà, un dénouement en me disant, tiens, ça c'est pas mal, j'y ai même pas pensé moi-même, donc je vais garder ça. Eh bien, merci à Monsieur Béra d'être venu nous parler de son livre. Merci de m'avoir invité. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.